Chapitre 43. L'honneur dû à la famille du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et les mérites de celle-ci. Allah Ta'ala dit: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et veut vous purifier pleinement. Sourate 33, verset 33. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Sourate 22, verset 32. 346. Yazid ibn Hayyan rapporte: Je me rendis en compagnie de Hussein ibn Sabra et Amr ibn Muslim auprès de Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhum. Lorsque nous prîmes place près de lui, Hussein lui dit: Ô Zayd, tu as obtenu un grand bien. Tu as vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, écouter ses paroles. Tu l'as accompagné dans ses expéditions et fait la salat derrière lui. Ô Zayd, ceci est un grand bien. Rapporte-nous ce que tu as entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Zayd dit: Ô mon neveu, par Allah je suis devenu vieux, et j'ai oublié une partie de ce que j'ai appris du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Acceptez ce que je vous raconte, et ne me contraignez pas à raconter ce que j'ai oublié. Il dit alors: Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se leva un jour pour nous faire un prêche près d'un point d'eau appelé Humma, situé entre la Mecque et Médine. Il loua Allah, le glorifia, et nous exhorta en disant: « Ô les gens, je ne suis qu'un être humain et l'ange de la mort va bientôt s'emparer de mon âme. Je laisse parmi vous deux choses considérables. La première est le livre d'Allah qui contient la bonne direction et la lumière. Suivez donc le livre d'Allah et attachez-vous-y fermement. » Il incita les gens à obéir au livre d'Allah puis ajouta: La seconde est ma famille, Ahlul Bayt. Je vous rappelle les droits de ma famille, je vous rappelle les droits de ma famille. Hussein interrogea Zayd: Qui sont les membres de sa famille, ô Zayd? Ses épouses ne font-elles pas partie de sa famille? Zayd, radiyallahu anhu, répondit: Ses épouses font bien partie de sa famille, mais les membres de sa famille sont plus généralement ceux auxquels l'aumône fut rendue illicite après sa mort. Il demanda: Qui sont-ils? Zayd, radiyallahu anhu, répondit: La famille de Ali, celle de Aqil, celle de Ja'far et celle de Abbas. Hussein demanda: À tout cela, l'aumône est interdite? Oui, répondit Zayd, radiyallahu anhu. Muslim. Dans une autre version: Je laisse parmi vous deux choses considérables. L'une d'elles est le livre d'Allah, qui est la corde d'Allah. Quiconque s'y tient est sur la bonne voie, et quiconque l'abandonne s'égare. 347. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, a dit dans un hadith qui ne remonte pas jusqu'au prophète: Honorez Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à travers les membres de sa famille. Al-Bukhari. 348.